Saint-Germain a retourné la soutane. Le moine de Saint-Germain est à voile à vapeur. Le moine de Saint-Germain a retourné sa soutane. Le moine de Saint-Germain est un sacré coquin. Point de pénitié, point de chapelet. Lui, ce qu'il aime, le moine défroqué. Point de pénitié, point de chapelet. Lui, ce qu'il aime, c'est se rincer le gosier. Les petites nonnes, les jolies religieuses, il les confesse et leur tripote les fesses. Les petites nonnes et jolies religieuses, tous les dimanches il en fait son dessert. Père de Rome et enfant de Catin, religieux sans normes et grand buveur de vin. Père de Rome et enfant de Catin, lui ce qu'il aime c'est baptiser les saints. Le moine de Saint-Germain a retourné sa soutane. Le moine de Saint-Germain est à voile à vapeur. Le moine de Saint-Germain a retourné sa soutane. Le moine de Saint-Germain est un sacré coquin.